Jean-Tiens de la France anime cette émission en compagnie d'une équipe de collaborateurs. Chroniques, entrevues, reportages, capsules, revues de presse et tables rondes vous font découvrir sous toutes ses facettes les arts visuels à Québec. Communication, culture. Alors, c'est l'aérospatiale pour la prochaine heure. Jean-Tiens de la France avec vous au micro. Et bienvenue à tous, auditeurs et auditrices. Vous êtes sur les ondes de CKRL et nous avons de très, très beaux sujets aujourd'hui. D'abord, il y a Marie-Claude Drolet qui va nous présenter l'artiste Véronique Martel. Et Véronique Martel va nous parler de son projet Crier à Fun, qui est un projet très particulier où elle a sollicité la participation de différentes personnes. En tout cas, on va en savoir un peu plus dans quelques instants. Ensuite, il y a John Blouin qui va nous parler de son tout nouveau film. Là, il est encore plus que chaud. Vaillancourt, regarde si c'est beau. Ça va être présenté en avant-première au Musée national des beaux-arts du Québec dimanche à 14h. Donc, on va pouvoir en savoir un peu plus avant même de pouvoir voir le film. Et en deuxième partie d'émission, il y a Dan Brault qui va venir nous parler de son exposition « Poèmes de mon pays » qui est actuellement en cours à la Galerie 3 et ça va être le vernissage vendredi prochain à partir de 17h30. Donc, une belle production de peinture pour Dan Brault. On retrouve les formes circulaires, là, juste pour vous donner un avant-goût avant cette entrevue. Mais pour l'instant, on va prendre une petite pause musicale avec la sélection de Simon Roy, toujours cette semaine. C'est un groupe qui nous vient du Mexique, qui s'appelle Friends and Enemies, et qui est un peu dans le post-rock, lo-fi, mais c'est assez entraînant comme musique. Donc, on va écouter un extrait de avec Friends and Enemies. Et au retour, c'est Véronique Martel et Marie-Claude Drolet qui nous parlent de Crier à Fun. Bonsoir Marie-Claude Drelet. Bonsoir. Bonsoir Véronique Martel. Bonsoir. Alors, on est toujours à l'aérospatiale et Marie-Claude voulait inviter Véronique Martel pour parler de son projet Crier à Fun. Alors, Marie-Claude, est-ce que tu nous présentes Véronique? Oui, donc j'ai préparé une petite introduction pour Véronique. Donc, j'avais quelques informations là, sur ton parcours. Donc, Véronique, tu es une artiste qui vit et travaille à Québec. Tu as fait des études en arts visuels et en métiers d'art. Tu es bien active dans le milieu depuis plus de 10 ans, je dirais, c'est vrai. Exact. Tu partages un atelier de création avec 2 autres artistes dans le quartier Limoilou, où tu y travailles principalement 2 volets de création, donc qui exploitent tous les deux le médium argile. Exact. Est-ce que c'est encore vrai? Oui. Donc, un premier volet qui on tourne... Confirme. On confirme. Un premier volet qui tourne autour de l'objet utilitaire. Par exemple, ta production de tasses Limoilou qu'on a vu dans différents événements dans le quartier, et aussi un volet donc de production d'urnes funéraires. Exact, oui. Je voulais en fait surtout parler aujourd'hui de l'autre volet qui est plutôt ta pratique en création. Exact. On a vu passer dans les réseaux sociaux il y a quelques semaines un appel, donc t'as fait passer un appel pour avoir des participants pour ton projet qui s'appelle Crier à Fun, donc qui est destiné à être présenté. C'est un projet d'exposition que tu es en train de concevoir et de produire, qui va être présenté en juillet prochain au Centre des arts visuels en Alberta. Exact. Est-ce que tu peux nous parler de ce projet qui est bien intriguant? Je sais qu'il fait suite à un projet que tu as déjà présenté à Materia l'été dernier dans la vitrine. Exact. Donc, un projet qui s'appelait Malaise. C'est ça. Donc, le projet Créé à Fun découle de ma collection Malaise, où j'ai commencé à aborder les questions de la communication, mais en fait, plus précisément, les questions de l'incommunication de cette collection-là. Et j'ai créé par la suite une pièce bien particulière qui a été charnière dans mon parcours, une pièce que j'ai appelée Criaphone. C'est, on peut imaginer une grosse boule qui, avec un visage déçu, qui hurle très fort. Mais pour cacher ce cri, j'ai installé là, de multiples petites lanières de carton, là, du menton jusqu'au dessus du nez, qui cachent vraiment l'ensemble du cri. Puis cet assemblage de carton-là ressemble à un grand bijou de joaillerie, si on veut. Mm. Donc finalement, un grand apparat qui vient bloquer la communication. Puis de là, j'ai voulu pousser un peu plus loin cette idée-là de l'enfermement dans le silence et de toutes les façades là, qu'on emploie et de la décision de réprimer une communication. Donc de là est né mon désir d'en faire une exposition où je pourrais mettre en scène plusieurs propositions autour de cette thématique-là. Et bien entendu, ben, j'ai cherché où je pouvais m'exprimer en ce sens. Puis de là est découlé le projet au CAVA, donc le Centre d'art visuel de l'Alberta qui est situé à Edmonton. Puis oui, effectivement, l'annonce a piqué la curiosité de bien des gens. J'ai fait un appel de proposition pour trouver des volontaires pour participer à 2 études. En fait, mon projet est composé de 3 études. J'avais besoin de participants pour 2 d'entre elles. Oui. Donc, j'y vais. Est-ce que tu peux nous décrire? C'est, mais moi, j'en avais noté 3, mais en fait, il y a 2 études dont tu avais besoin de participants et il y a une 3e étape là, plutôt vers la fin qui va se réaliser plutôt en atelier. Exact. T'as tout bien compris. Donc, première étude, je l'ai appelée l'étude expérientielle. J'ai fait appel à 5 volontaires qui sont venus me rejoindre le dimanche dernier dans les locaux de Materia. Puis, chacun d'entre eux, à tour de rôle, ils ne se sont pas croisés. Là, je tenais à mettre en place une certaine intimité. Je les ai reçus puis je leur ai demandé de crier dans une box. Une box que j'ai conçue pour avoir une intimité acoustique. Donc, j'ai une firme d'ingénieurs acoustiques qui m'ont appuyé dans ce projet-là. Donc, je me permets juste de la nommer Atelier 7 Hertz à Montréal. Donc, j'ai pu créer vraiment une box qui vient inhiber de façon très marquée là, le son du cri. Là, on peut parler environ d'une performance de 75 à 80 % là, d'inhibition du cri. Donc, les gens pouvaient vraiment s'exprimer là, sans retour de son. De façon très franche, avec très peu de retour de son, puis surtout sans peur du jugement de l'extérieur parce qu'on entendait vraiment une sourdine. Tu mentionnais aussi que tu avais même quitté la pièce là, pour laisser vraiment... Exact. Une intimité. Oui, exact. Puis je pense que ça a été apprécié par les participants. Lorsqu'ils avaient fini, je leur demandais de prendre un temps de réflexion pour créer quelque chose qui était sensible pour eux, important pour eux, sans pour autant leur demander ce que c'était. Je quittais la pièce, puis lorsqu'il avait crié les trois cris, il venait me chercher. Par la suite, j'avais préparé un questionnaire pour essayer de trouver, à partir du questionnaire, des icônes, des images que je pourrais réinterpréter et intégrer dans mon travail. Donc, c'était plutôt sur les ressentis, les sentiments qu'ils ont vécus, comment ils pourraient, les, par exemple, les exprimer à travers une couleur. Donc, comment, c'est très instinctif, oui, vraiment à chaud. Ouais, oui, c'est de faire appel à la synesthésie aussi, d'exprimer des choses avec des couleurs sans utiliser les mots. Exact. Mm-hmm. Pas des mots francs sur le sentiment. J'ai jamais demandé de nommer le sentiment. Non, c'était vraiment... Ça pouvait être positif ou négatif, en exact. Fait. Exact. Exact. Je les ai pas dirigés en ce sens. Ils allaient dans la direction qu'ils voulaient. Puis, on a travaillé avec la comparaison, la métaphore, l'analogie. De là, tout ce système-là, de tant cette étude-là que les deux autres, c'est pour vraiment venir bousculer ma méthodologie de travail pour obtenir des résultats nouveaux. Mm-hmm. Donc, déjà en atelier, là, en ce moment, les résultats du sondage ont un impact sur mon travail. Là, je suis vraiment très contente des résultats. Puis, je pouvais étonnamment, juste avec cinq participants, tirer des tangentes. Mm-hmm. Fait que, donc, aujourd'hui, tu as expérimenté la deuxième étude? Oui, exact. Donc, aujourd'hui, c'était l'étude visuelle. Donc, j'ai travaillé en collaboration avec Eve Leclerc, directrice de l'agence Icône. Donc, on a travaillé en studio aussi avec Jennifer, là, une dame qui était, une personne qui était prête pour maquiller les participants. Donc, j'avais quatre participants. Cette fois-ci, c'était très dévoilé comme cri. Il n'y avait aucune intimité. On leur demandait, on leur donnait le devoir, la permission de crier. Mm-hmm. Il y avait quand même une mise en contexte, une préparation du participant. Mais c'était un geste très intime qu'ils acceptaient de faire devant caméra. Le but, c'était de faire une étude linguistique des traits du visage lors du cri. Mm-hmm. Puis surtout post-cri, lorsque le silence reprend ses droits. Donc, chercher vraiment une banque d'images. Une banque d'images que je pourrais étudier pour finalement créer mes modelages. Puis aussi pouvoir établir une charte de glaçure à partir des teintes de la peau qui se sont transformées à travers le cri. Il y a un aspect sonore aussi à ton travail. Oui, exact. Donc, j'ai pu enregistrer les cris des participants. Puis ce que je veux, encore une fois, pour bousculer ma méthodologie de travail, je veux en atelier me faire une boucle de son où de grands silences viennent marquer la boucle et tout d'un coup, bang, le son. Puis là, moi, je pense que ça va être assez choquant comme expérience. Je veux travailler avec la matière argile pour vraiment venir travailler l'expressivité de l'argile, le geste spontané, les déchirements, les fêlures, les cassures. Puis je pense que ça va être très difficile pour moi parce que mon travail est hyper en contrôle. En exposition, ça se présente comment, toutes ces nouvelles données-là? Oui, parce que ça va venir un projet concret, tout ça. C'est un projet qui travaille la sculpture, donc puis il va présenter de la sculpture, il va avoir différentes pièces et... Et ben finalement, il va avoir, j'aimerais ça, mettre en scène les photographies qui ont été prises aujourd'hui, mettre en scène la boîte à cris et mettre en scène, bien entendu, là, sept sculptures de céramique, dont quatre grands formats, puis trois petits formats. Puis je veux aussi me lancer le défi de me dégager du socle, là, donc des œuvres autoportantes. Ah, mais c'est intéressant. Moi, ça me fait penser, je réfléchis à voix haute, là, mais à ce médecin photographe du Chêne de Boulogne qui faisait au 19e siècle des espèces d'études photographiques d'expression du visage, là. Oui. Ouais, il y a vraiment quelque chose d'aller chercher une espèce d'essence ou de... Oui, vraiment, comme une étude synergologique des traits du visage qui est propre à la prise de parole, propre au cri, puis propre aussi à la répression. Lorsque le silence revenait, on a vu des bouches pincées, on a vu des yeux qui se transformaient, on a vu des coups, vraiment tous les muscles du visage, ils sont impliqués. Là, ça va être vraiment super intéressant. Pour les participants aussi, je pense que ça peut être vraiment une expérience très forte. Ben, aujourd'hui, je vous avoue qu'il y a eu des émotions parce que le son était vraiment, a résonné en nous. Mm-hmm. Puis c'était spécial de recevoir des cris. Oui. Comme ça, c'était vraiment très, très particulier. Oh, wow. Oui. Puis peu d'études ont été faites sur le cri, d'ailleurs. C'est vraiment intéressant de s'y plonger. Pour terminer, je voulais juste mentionner les dates de ton exposition qui vont être présentées au Centre des arts visuels de l'Alberta. Donc, ça va être du 19 juillet au 30 août prochain. Oui. Ça serait intéressant de voir ton projet aussi au Québec. Oui. On te souhaite. Merci, Marie. J'espère vraiment l'exposer dans la ville de Québec aussi également. Puis on verra les opportunités qui se présenteront. Oui. Ouais. En tout cas, merci beaucoup Marie-Claude Drelet, Véronique Martel, pour cette belle incursion dans un processus très, très, très particulier. Et nous, on va prendre une pause musicale. Et au retour, c'est John Blouin qui vient nous parler de son documentaire sur Armand Vaillancourt. Bonsoir, John Blouin. Bonsoir. John, tu as réalisé un documentaire qui se nomme « Vaillancourt, regarde si c'est beau ». D'abord d'emblée, ce titre-là, « Regarde si c'est beau », c'est une citation du principal intéressé, Armand Vaillancourt, à l'intérieur du film. Et c'est drôle parce que le film est un peu rythmé par ces citations. Il y a comme en quelque sorte des espèces d'intertitres. Pourquoi t'as fait ce choix-là? Moi, je plonge dans le film. Pourquoi t'as fait ce choix-là d'avoir ces intertitres, ces espèces de tableaux? Parce qu'on retourne là, à l'origine du cinéma avec ces intertitres-là. Oui, ben c'est en fait c'est ça s'est placé tout seul parce que à un moment donné, je me suis rendu compte que Armand lorsqu'il parle, ben il dit des choses. Puis il y a un côté très poétique aussi, il y a un langage un type de langage, c'est drôle parce que je faisais le montage puis je lisais en même temps Kerouac en français, puis il y avait un peu des similitudes. Puis je trouvais qu'il y avait des belles pensées, des grandes philosophies. Des fois, qu'est-ce qu'il dit quand tu le prends un peu à côté, c'est presque un haïku. Puis je trouvais ça magnifique. Puis en même temps, les intertitres, ça fait en sorte que on peut avoir une réflexion, on peut avoir un silence. Puis de la façon qu'on les a placés, c'est qu'il y a une résonance parce qu'ils reviennent avec l'image un peu plus loin. Donc c'était vraiment pour ça. Mais il y a comme un jeu où on finit par comprendre, par chercher un peu la citation qui va arriver, parce que l'intertitre annonce une citation qui va venir dans chacune des rencontres, parce que la façon dont tu as monté le documentaire, c'est un peu comme une collection de rencontres. Il y a une certaine fidélité, parce que là, on n'est pas dans un montage qui va tout mélanger, raconter une histoire, mais il y a une certaine fidélité à chacune des rencontres qui sont bien divisées dans les séquences. Qu'est-ce qui t'a amené à faire un montage qui est aussi fidèle au rythme des rencontres? Mais en fait, c'est j'ai tourné avec Armand sur une longue période environ, je parle pas loin de 8 ans. OK. Puis ça m'a amené à bien comprendre son univers, mais ça m'a amené aussi à savoir qu'est-ce que je voulais puis qu'est-ce que je voulais pas. Mm-hmm. Les thématiques, les environnements. Puis lorsque tu tournes assez longtemps avec quelqu'un, ben tu le vois lorsqu'il fait des événements sur scène. Armand, c'est une bébite médiatique aussi. Puis en même temps, tu le vois à l'extérieur. On s'entend, Armand puis Vaillancourt, c'est la même personne, mais c'est cet homme-là à l'extérieur de la scène que j'ai rencontré, que je voulais que les gens puissent voir. Puis finalement, sur ces 8 ans-là, j'ai gardé 4 jours. Vraiment 4 jours. Puis pourquoi on a gardé ces on voit ça dans le montage, c'est que ces 4 jours-là, c'était 4 jours consécutifs. Donc on a gardé le cycle de la journée, le cycle de la lumière dans le film. Puis c'est drôle parce que Armand il disait par exemple, tu sais, pourquoi avoir gardé ça, pourquoi pas avoir, j'avais accès à toutes les archives. Mm-hmm. Moi j'adore les archives, j'ai fait des shows avec des archives. Puis là ça se portait pas. Je voulais pas avoir le filtre des archives. Puis en même temps, je voulais, c'est une approche radicale. Ouais. On s'entend en 3 jours, mais je voulais en même temps que tout le monde puisse voir le film. Mm-hmm. C'est un film que je pense d'auteur. Oui. Mais que Armand est près des ouvriers, Armand est près des gens. Puis je voulais que tout le monde ait accès à cette essence-là de cet homme-là, cet artiste-là. Oui, oui, oui, c'est pour ça que tu as comme une approche très cinéma directe au final, même si on parle d'intertitres et des origines du cinéma, il y a quelque chose de... Puis on voit ta participation à toi, ta participation aussi, la participation des différentes personnes qui tournent le film, qui participent au film. Donc, c'est pour ça que je parle de rencontres. Parce que dans ces rencontres-là, puis là je m'égare, mais dans cette rencontre-là, il y a une liberté, parce que bon, on parle d'Armand Vaillancourt, on ne peut pas échapper à sa liberté, à son audace. Je pense notamment à cette scène où vous faites de la musique, du son avec une de ces sculptures. C'était pas quelque chose qui était planifié, c'était quelque chose qui était planifié? Absolument. Parce que en fait, c'est que moi j'avais des thématiques, oui. Il y avait des choses que, donc en allant dans un endroit plus reculé, à la fermette, je le mettais en scène. Mm-hmm. Par exemple, j'ai projeté sur sa grange, oui, la nuit, un vieux film magnifique en, ouais, noir et blanc. Puis lui, face à ça, c'est la première fois qu'il voyait ça, ben ça c'était une forme de mise en scène. Puis après ça, Armand, avec la liberté, il fait qu'est-ce qu'il y a à faire avec ce carré de sable-là. Puis une fois que c'est en place, là, on le suit. Armand, ouais, il est comme ça. Cette liberté-là fait en sorte qu'il vient te chercher, puis viens t'asseoir, fais ça. T'as beau être en arrière de la caméra, mais tu sais, tu le suis, puis veux pas, notre présence ténue s'est imposée ouais, avec le temps, là. Et donc tu parles de ces mises en scène, puis j'avais une j'étais curieuse à propos de ces mises en scène là. Tu parles de la projection sur la grange, de ce moment où vous faites de l'art sonore avec, oui, sa sculpture, et puis il y a d'autres moments, bon, une marche sur la route. Est-ce que ces mises en scène là, c'est toi qui les as décidées, ou c'est des idées que vous avez partagées ensemble? Est-ce que lui, il y a eu des idées qui t'a suggéré aussi? C'est moi qui a placé ça. Ouais. Puis je savais que Armand, une fois que c'était en place, il allait partir. Où est-ce qu'il allait partir? Parce que tu harnaches pas Armand. Puis en même temps, c'est drôle parce que parlant de liberté, il y a une phrase, puis c'est dans le film, puis moi, elle est venue me chercher, elle a fait une empreinte, puis c'est un peu comme ça, j'ai essayé de faire le film. Tu sais, il dit... la liberté, c'est pas faire n'importe quoi. C'est la liberté, c'est faire ce qu'on doit faire. Oui, je me souviens. Puis, ça vient avec une responsabilité. Oui, ça vient avec, ouais, une responsabilité. Ça vient avec aussi un but, un focus. Mm-hmm. Mais

on cultive aussi l'insolite, le surprenant, avec passion et humour. Futur simple le jeudi, 17h30. Alors, on a Dan Brook qui est déjà avec nous en studio avec John Blouin, puis on parlait comme ça pendant la pause publicitaire. Et donc, à propos de ce film, Vaillancourt, regarde si c'est beau. Moi, je l'ai vu. Toi, tu l'as pas chanceuse, vu. Chanceuse, non. C'est dimanche que ça se passe au Musée national des beaux-arts du Québec à 14h. John Blouin, le réalisateur de ce film. On parlait pendant la pause, justement, on se rend compte à quel point dans ce film-là, parce que on ne voit pas ses œuvres en tant que telles à Armand Vaillancourt. On voit ses confidences, l'être, la personne, sa façon d'être, et on se rend compte que pour lui, l'art, la vie, c'est exactement la même chose. Il y a aucune limite entre les deux. Ben c'est ça qui est fascinant avec Armand. C'est que, tu sais, on dit c'est un monument. Mm-hmm. J'ai l'impression que il s'est autant sculpté lui-même en sculptant les choses. Souvent, je dis aux plus jeunes qui veulent faire des films, choisissez bien votre sujet parce que vous allez être sculpté par ça. Mm-hmm. Vous allez être modelé par ça. Puis, je pense que lui-même est rendu une de ses plus belles œuvres à l'âge que il est. C'est comme il s'émerveille face à tout. Puis là, tu comprends un peu qu'est-ce qui se passe dans son cerveau, dans sa tête. C'est sa façon de penser, c'était pour le montage, on a essayé de garder ça un peu, il ouvre des parenthèses, ouais. On a essayé de puis il referme toujours à quelque part, ouais. Puis on a essayé de garder ça, puis tu sais, cet homme-là, il y a eu des grandes causes politiques, sociales, en art, c'est immense ce qu'il a fait. Mais tout ça, c'est la même chose pour lui. Tout ça fait partie d'un souffle de vie. Un souffle de vie, et puis j'irais même jusqu'à dire, après avoir vu le documentaire, je me suis rendu compte que, comme beaucoup d'hommes de sa génération, puis on en parlait aussi un peu, il y a une certaine agressivité aussi dans cette volonté d'un peu briser les choses pour dans cette liberté-là pour pouvoir les renouveler. Et c'est un homme de sa génération, puis on s'en rend compte dans le film, il utilise cette agressivité pour créer. Oui, ben l'agressivité, c'est pas quelque chose qui à la base est négative. Ça dépend qu'est-ce que tu fais avec. Armand, il y en a contre le conformisme. Ouais. Il dit qu'il faut qu'il pas tant briser, mais de transformer les choses. Oui, c'est un peu la tabula rasa, ouais, là. C'est ça, de transformer les choses pour que cette chose reprenne vie, qu'elle soit pas comme une mise en série d'une même chose. Ouais. Puis, tu sais, il dit que c'est les grands mots de la vie, c'est justement ça, là, le conformisme. Puis, je pense que cette force-là qui amène à briser certaines choses, ça fait partie d'une génération qui avait un grand étouffement, puis pour respirer, il fallait briser des liens. Là. C'était nécessaire. Moi, je pense, oui, c'était, je pense que c'était nécessaire. Et dernière question, comme ça, ben, tu me parlais, John Blouin, de ton conseil aux jeunes réalisateurs, comme de quoi de bien choisir son film, parce que le sujet te sculpte. Oui. Toi, le film Vaillancourt, regarde si c'est beau. En quoi ça t'a sculpté? Je pense que je suis J'ai trouvé une forme de liberté, comme je disais, parce que je me suis mis à faire ce que j'avais à faire. Pour réussir à savoir ça, on en parlait, il faut savoir qui on est, qu'est-ce qu'on est. À partir de là, on dirait que les choses sont plus simples, lumineuses, puis ça permet d'avoir un geste juste. Merci beaucoup, John Blouin, pour cette belle rencontre. Alors, Vaillancourt, regarde si c'est beau, va être présenté en avant-première au Musée national des beaux-arts du Québec. C'est gratuit. Oui. C'est dimanche à 14h. Et nous, on va prendre une petite pause musicale. Et au retour, c'est Dan Bro qui prend le micro. Bonsoir, Dan Bro. Allô. Alors, Dan, tu sors d'une belle période de production. Ouais. je sais pas si on peut dire belle, mais oui, c'est une grosse période. Ouais. Une grosse période de production, ouais. Parce qu'en ce moment, il y a l'exposition Poèmes de mon pays à la Galerie 3. Absolument. Et t'as une autre exposition à Montréal? Je participais à la Foire Papier. Ah, tu participais à la Foire Papier. Qui était la fin de semaine passée. OK. Donc, tout déboulait à la même date, pratiquement. Non? Et il y a beaucoup de nouveautés, je dirais, dans cette production-là. D'abord, nouveautés. Il y a des nouveautés puis des retours. C'est une très bonne façon d'amener. Oui, ouais. C'est ça. On a l'impression que Dan Bro regarde en arrière, mais il regarde en avant en même temps. C'est un peu ça? Mais tu sais, c'était pas regarder en arrière par nostalgie. Je suis pas du tout nostalgique, en fait. Ouais. Parce qu'en fait, le point de départ, c'est un petit tableau qui s'appelle L'odeur du gazon chaud, que j'ai fait en 2008, okay. Puis que j'ai récupéré pendant l'année, en tout cas une longue histoire, mais qui a été un peu le point de départ, ouais. Et qui était fait avec la tempera, qui est un médium de pigments et de jaune d'œuf. Oui, exactement. Uh-huh. Puis je me suis dit, ah ouais, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça, j'aurais le goût d'en faire ça. Puis comme chaque médium amène une certaine forme de graphie ou une forme d'écriture. Ouais. Je me suis dit, ça serait peut-être cool de revenir à ce médium-là, voir ce que ça donne. Puis finalement, je l'ai utilisé un peu dans les tableaux. En fait, ça a été le point de départ, mais rapidement, je l'ai laissé de côté. Puis je suis tombé plus sur la peinture à l'huile. Donc la tempéra se cache comme loin derrière. Ouais, c'est dans les premières couches, mais bon, c'est difficile de savoir qu'est-ce qui est tempéra, qu'est-ce qui est l'huile. C'est assez mélangé, mais ça se mélange bien ces deux médiums-là ensemble. Parce que la tempéra, en fait, c'est une émulsion d'huile et d'eau. Donc quand l'eau s'évapore, il reste que l'huile. Fait qu'en bout de ligne, c'est comme une peinture à l'huile, là, mais. Je ne reviens pas dans les détails techniques, mais grosso modo, c'est... Ben, c'est toujours intéressant, les détails techniques, parce que pour moi, je suis une non-artiste, fait que je suis toujours un peu fascinée aussi de savoir ça. Mais oui, pour parler un peu de c'est pas des détails techniques, mais plus une question de méthodologie, je dirais. Toi, Dan Bro, quand tu fais des tableaux, t'en fais pas un à la fois. Non. Tu les fais tout en même temps. Ouais, je pense que le mot c'est boulimique qu'on cherche. En fait, je sais pas pourquoi exactement, mais j'ai jamais été capable de faire un tableau à la fois. Ok, fait que là, c'est depuis l'origine. Ça fait longtemps. Je veux pas dire quelle année exactement, mais j'ai toujours, mettons, dans les 15 dernières années, j'ai beaucoup travaillé comme ça. Je pense que j'ai pas la patience ou la concentration, je le sais pas, de travailler sur seulement un tableau. Puis on dirait que j'ai l'impression de perdre mon temps quand je travaille sur un tableau. Alors que quand j'en ai plusieurs, ben c'est comme si j'étais dans une cuisine puis il y a plein de trucs à préparer. Mais les temps de cuisson sont pas les mêmes. Fait que pendant que tel truc est en train de refroidir, ben il y a tel truc. T'es comme un chef. Seul dans sa cuisine. Ben ouais, j'étais un peu d'une certaine façon, ouais. Et à ce moment-là, le chef il fait quand même une chose à la fois. Donc j'imagine que là dans tes tableaux, tu parlais de tempéra, de peinture à l'huile, mais tu as intégré la sérigraphie également. Sérigraphie, ouais, il y a de l'acrylique aussi. L'acrylique aussi. Ouais, ouais. Donc là tu fais chaque étape une à la fois, tu fais comme la température sur tous tes tableaux, ensuite tu passes à une autre étape? Ouais, c'est ça, c'est difficile à expliquer là, précisément là, dans la, de façon linéaire, ouais. Mais moi je sais sur mes tableaux quelle partie était faite comment, et donc je sais qu'à tel endroit par exemple je peux pas réintervenir avec de l'acrylique parce qu'il y a de la peinture à l'huile dessus, fait que tu sais il y a comme ça va très vite. Puis c'est assez organique et instinctif, cette chose-là, mais je pense que c'est les années d'expérience, là, mais je sais comment construire mon tableau d'une certaine façon, puis en intégrant ces médiums-là, j'ai une bonne idée aussi de qu'est-ce que je peux faire, où je peux intervenir, où je peux pas. Fait que si j'ai à intervenir, par exemple, avec un médium qui ne peut pas aller sur la surface sur laquelle j'ai peint, ben, y a des moyens d'enlever la couche qui est en dessous, je peux réintervenir avec avec du papier sablé, remettre un gesso, puis tu sais, fait que toute une méthodologie de construction qui est liée aux problématiques de médiums qui certains vont bien ensemble, d'autres vont pas bien ensemble, qui aide, qui chemine dans ma tête pendant que je suis en train de produire, puis je te dirais aussi il y a des grandes étapes, tu sais, justement quand je fais la sérigraphie, ben je fais la sérigraphie sur tous les tableaux en même temps parce que sinon je perdrais un temps fou à faire chaque tableau à fait qu'il y a comme des grandes étapes, des grandes lignes situées pour tous les tableaux ensemble. Puis ce qui arrive aussi c'est qu'il y a des solutions qui tu sais, des fois je reste pris sur un tableau, mais moi je reste pas pris, si je sais plus trop quoi faire, je la laisse de côté, je passe sur un autre tableau. Ouais. Puis des fois des idées se développent sur d'autres œuvres puis reviennent dans le tableau, puis fait qu'il y a beaucoup dans les œuvres, il y a beaucoup de liens, il y a des formes qui reviennent, il y a des couleurs qui reviennent, il y a des clins d'œil donc ça c'est moi ça fait partie peut-être de ma méthodologie, je dirais. Par la force des choses. Ouais. Tu sais, c'est pas. J'ai pas réfléchi à ça. Oui, c'est ça. Tu dis pas je vais faire ci, je vais faire ça. Tu fais ci, tu fais ça, C'est ça. Comme je disais, c'est instinctif, mais tu sais, dans l'instinct, il y a quand même une forme de connaissance. Oui. Là, tu sais, c'est parce que je fais confiance à mon instinct, mais parce que je sais aussi ce que je fais. Là, tout à fait. C'est de l'improvisation. Là. Oui, l'instinct, c'est quelque chose qui s'acquiert avec le temps, avec le vécu, avec l'expérience. Exact. Donc, je parlais de Dan Bro qui regarde en avant et qui regarde en arrière en début d'entrevue. Donc, il y a ce retour des formes circulaires, des formes ovales dans les formats des tableaux. Pourquoi? Comment? J'ai pas une raison mathématique là ou très rationnelle, mais en fait c'est justement les premiers tableaux que j'avais faits à la tempéra, ils avaient été faits sur des ovales. OK. J'avais envie de retourner à ce format-là. That's it. Oui, réponse instinctive. Je vais pas t'inventer des trucs. Non, c'est correct. Et quelque chose que j'ai remarqué aussi, c'est que on se retrouve devant des paysages. Ouais. Plus souvent qu'autrement, il va y avoir un sol, un ciel. Il peut être tout petit. Il peut vraiment prendre l'ensemble du tableau. C'est un peu de là que vient le pays dans le titre, j'imagine. Oui, en ouais. quelque sorte, oui, il y a cette idée-là. Je pense que l'hiver était long. Je rêvais de verdure, de forêt. Ça ressemble au printemps. Ouais, ben, je pense que oui. Là, je pense qu'il y avait ce désir-là. Mais au-delà de ça, je pense que j'ai toujours aimé un peu l'idée super naïve. Tu sais, quand on regarde un dessin d'un enfant, ils vont faire une ligne. T'as le bas, le haut. T'as mm-hmm. le haut, c'est le ciel. Le bas, c'est, mm-hmm. c'est le gazon. Même chose pour si on fait un lac ou une mer, on met une ligne bleue. Puis en bas, c'est la mer. Puis en haut, c'est le ciel. Ouais. J'aime bien moi cette idée-là, super simple de schématiser une image. Puis même si je suis allé à l'université, ces genres de propositions-là visuelles m'intéressent pareil. Tu sais, je trouve qu'il y a, il y a un style où il y a une il y a tout un univers qui est développé par les enfants qui, selon moi, est aussi importante que des œuvres de grand-mère, si on veut, cette chose-là. Puis on a tous été des enfants, donc on vient tous de là. Mm-hmm. Bon, je ne suis plus un enfant, malheureusement, mais cette chose-là m'intéresse. Puis, tu sais, il y a comme une genre de rationalité. C'est comme, ben, bon, ici, il y a une ligne d'horizon. Choup, puis en haut, c'est le ciel, puis en bas, c'est la terre. Puis, le tableau a aussi un peu ça. T'as le haut, le bas du tableau. Donc, il y a quelque chose que je trouve ça super rassurant, super simple. Puis, ça me permet après ça de jouer là-dedans de façon infinie. Puis, l'idée du pays ou du paysage, je pense que c'est aussi ça vient aussi compléter une idée qui, pour moi, les tableaux sont des univers un peu. C'est un, tu sais, on part en voyage quand on part dans le tableau, on part dans un univers, puis cet univers-là est pas complètement circonscrit par justement le paysage. On tombe dans le paysage, mais là, whoop, on s'envole en quelque part. Donc il y a c'est pas rationnel, c'est un tu sais, je parle de poème aussi, donc il y a cette idée-là que je ne vais pas dire romantisé, mais il y a une forme de folie, en fait, dans ces paysages-là. Donc, l'idée du pays, c'est un peu l'idée de mon univers, mes mondes, mais chaque tableau aussi est un genre de pays en soi aussi. Oui. Je sais pas si ça fait du sens. Oui, okay. je te suis. chaque tableau pourrait être un pays. Oui, puis là, je reviens à cette idée de paysage parce que, mettons, des Danbrough où il n'y a pas de paysage en fond, ça va plus m'évoquer un poème parce qu'il y a plus une espèce d'abstraction qui s'installe ou de rapport un peu à hiérarchique entre les éléments, alors que là, il y a quelque chose de plus narratif. Quand on installe une trame de fond, un paysage, on se raconte un peu plus une histoire? Oui et non. En fait, oui, c'est probablement. Mais si tu regardes les tableaux, l'univers dans lequel ils sont construits répond pas du tout à celui du paysage ou à celui de la narration. Contraste, en fait, c'est que je donne des suggestions de narration, je donne des pistes de... Après ça, c'est moi qui les raconte, les histoires. Ben oui, puis ça, c'est formidable, mais je veux dire, en bout de ligne, pour moi, les tableaux, c'est des œuvres qui sont construites dans le monde de la peinture et non pas dans le monde réel. Je regarde pas du tout l'extérieur pour peindre mes trucs. C'est des choses inventées, c'est des souvenirs, c'est des sensations. Puis t'as souvent des éléments qui sont entre deux. T'as des éléments que on imagine être des formes, mais qui sont en fait des coups de pinceau. Donc j'aime ça, moi, ce basculement-là entre justement un truc. Tu te dis, ah ben oui, c'est un champ, il y a du gazon là, tout ça, puis là, ben après ça, tu regardes à droite, puis ouais, mais là, c'est une coulisse, puis il y a une plaque de couleur par-dessus. Donc, tu as ce passage-là entre le l'abstrait, le figuratif. Oui, exactement. Mais puis, pour moi, peut-être que je suis un peu naïf, je suis pas un spécialiste, mais pour moi, la poésie, il y a un peu de ça, cette idée-là que on a l'impression qu'on va toucher à quelque chose, puis oups, ça nous échappe. C'est comme, il y a quelque chose de glissant, tu sais, puis c'est ça qui est trippant, en fait, c'est que le sens n'est jamais complètement dévoilé, mais en même temps, t'as goûté quelque chose qui avait une saveur, qui avait un parfum, puis c'est peut-être suffisant des fois pour que tu puisses voguer longtemps avec cette idée-là, mais t'arrives jamais à saisir cette chose-là. J'espère, en tout cas, je souhaite que mes tableaux soient dans cet ordre de choses-là. Oui, mais je trouve que tu le décris bien. Ça. C'est comme aller à la chasse aux grenouilles. Ben oui, c'est exactement. C'est rare que tu réussis à les attraper, mais ceci dit, j'étais quand même bon. Fait que, mais ben oui, tu sais, puis tu sais, de toute façon, là, on parle, on dit des, on donne des mots, mais moi, je fais la peinture, donc les mots, c'est pas ma... C'est... Pour moi, c'est toujours une il y a toujours une petite trahison, selon moi, quand je décris mes tableaux. J'ai toujours l'impression de pas tout dire ou de dire trop, de mal dire les choses. Mais en même temps, c'est un exercice intéressant, mais je pense qu'il faut vivre des tableaux de la même façon qu'on va vivre avec une pièce musicale ou, tu sais, même s'il y a des paroles, il y a tout un monde de sensations qui sont émotives, qui sont plus de l'ordre de l'instinct, justement, et non pas de la rationalité. Puis je pense que définitivement devant mes tableaux, je pense que je demande ça aux gens qui regardent mes tableaux, là, clairement. Là. Mais une dernière question là, juste mes dernières questions sont un peu tricky. je vois John qui rit à côté. Je pense que je vais y aller. T'as un nouvel atelier depuis quelques temps. Oui. Donc partagé avec ta conjointe Cynthia Dinan-Michel. Ça fait changement de François Simard, j'imagine. Ben je donnais des petits becs dans le cou à François. Il aimait pas beaucoup ça. Mais non, ben oui, ça fait changement. Des nouvelles possibilités. En fait, je dirais de deux choses. En fait, il y a le lieu qui est extrêmement différent, qui est beaucoup plus haut. J'ai plus d'espace. C'est un lieu qu'on a vraiment dédié à nos pratiques. Donc, on a vraiment construit dans l'atelier des salles, des pièces pour de ventilation et compagnie, là, pour faire la sérigraphie, pour faire de la peinture en arrêt au sol. Donc, il y a vraiment comme une fonction au lieu qui est plus proche de ce que j'ai de besoin, en fait, et pour Cynthia et pour moi. Puis, la relation avec Cynthia, ça fait quand même près de 18 ans qu'on est ensemble. Donc, autant comme couple, mais je veux dire, surtout aussi comme deux artistes. Moi, je chemine avec Cynthia en art depuis 18 ans, donc je vois ce qu'elle fait, elle voit ce que je fais, on échange beaucoup. Je veux dire, c'est une des personnes qui a marqué le plus ma façon de penser, et vice-versa, j'ai l'impression, parce qu'on partage nos vies. Puis, je pense que j'arrive à un âge où ça me... Peut-être plus jeune, j'aurais peut-être voulu avoir une séparation. Mais là, je trouve ça le fun de partager cette aventure-là. Puis de toute façon, quand on est à l'atelier, on parle presque pas. On est chacun de notre côté. Puis des fois, je vais l'arrêter, demander une question, un truc comme ça. Mais je veux dire, sinon, c'est vraiment un lieu de travail. Donc, c'est pas vraiment... Mais c'est le fun parce que ça permet, par exemple, d'avoir... Mon garçon peut venir à l'atelier. On a un lieu pour ça. Fait que ça fait ça complète bien notre vie. On parlait tantôt de l'art et la vie. Oui, ben pour c'est nous, ça, exactement. Je sais pas où la ligne vraiment. Là, on essaie d'en faire une pour que tout le monde soit sain, là, mais à part de ça, il n'y a pas vraiment là. Donc, de se laisser ces espaces de liberté, justement, où on peut vivre et faire de l'art. Donc, dans ton nouvel atelier, Dan Brault, ben, merci beaucoup pour cette belle conversation. Ton vernissage, c'est vendredi à la Galerie 3. Ton exposition s'appelle Poèmes de mon pays et ça commence à 17h30. Absolument. Ça va être la fête. Ben, j'espère. Oui, absolument, c'est le printemps. Oui, j'en suis certaine. Donc, une exposition très, très printanière. Alors, garochez-vous vendredi 17h30. Et nous, on se laisse avec Switzerland en musique. Et au retour, je vous parle de ce qui se passe dans le monde des arts visuels cette semaine.